Très chère madame, la ministre qui combattait la pollution. Très chère madame, la ministre qui combattait la pollution. Je m'en viens vous faire part d'un sinistre qui ravage notre bonne région. Ventre jaune, ragondin, et picouille de quinquesio, d'ardois, romorantin, c'est nous qu'on est solognaux. Figurez-vous qu'à l'heure qu'il est, peut plus cueillir les champignons. Figurez-vous qu'à l'heure qu'il est, peut plus cueillir les champignons. Et pour le bon poisson pêché, il faut demander une permission. Ventre jaune, ragondin, et picouille de quinquesio, d'ardois, romorantin, c'est nous qu'on est solognaux. Peut plus sortir en pleine forêt sans s'y attirer comme du gibier. Peut plus sortir en pleine forêt sans s'y attirer comme du gibier. Faut tranquillement s'y promener, bientôt il va falloir payer. Ventre jaune, ragondin, et picouille de quinquesio, d'ardois, romorantin, c'est nous qu'on est solognaux. L'atmosphère y a pas échappé, elle empeste l'eau de Cologne. L'atmosphère y a pas échappé, elle empeste l'eau de Cologne. Quant aux arbres sont contaminés, pagnots de propriété privée. Ventre jaune, ragondin, et picouille de quinquesio, d'ardois, romorantin, c'est nous qu'on est solognaux. Ces enfoirés, ils veulent notre peau, ils ont fomenté un vrai complot. Ces enfoirés, ils veulent notre peau, ils ont fomenté un vrai complot. D'exterminer le Solognaux, j'accuse madame les parigots. Tête de veau, tête de veau, tête de veau, tête de veau, tête de veau. Ventre jaune, ragondin, et picouille de quinquesio, d'ardois, romorantin, c'est nous qu'on est Solognaux. Ventre jaune, ragondin, et picouille quinquesio, d'ardois, romorantin, c'est nous qu'on est solognaux. Tarte tatin.